J'aimerais que tout dégale, fasse monter la température. Toutes ces demoiselles-là n'ont pas peur de frôler la censure. J'ai tout à chaque coup, tu fais monter la température. Vas-y, mets-le, fire. Et j'espère que t'aimes les petits jeux sensuels. Me paumer les plaisirs charnels qui t'emmèneront au septième ciel. Ne te la joue pas timide, je n'aime pas les femmes frigides. Alors il faut que tu te donnes et surtout pas que tu me questionnes. Joue la sexy lady, c'est là que tu me donnes des envies. Je te veux pour la nuit, ne te fais pas de soucis. Je suis l'homme qu'il te faut pour combler tes petites envies. Alors allonge-toi la gueule, on se met en mode fire. J'aimerais que tout dégale, fasse monter la température. Toutes ces demoiselles-là n'ont pas peur de frôler la censure. J'ai de tout à chaque coup, tu fais monter la température. Vas-y, mets-le, fire, mais tu mets-le, fire. Je repasse à l'attaque et je recherche une charmante demoiselle. Je ne veux pas qu'elle soit farouche, je la prendrai telle qu'elle. Je veux qu'elle soit sexy, peut-être blonde à forte poitrine. J'aime bien les brunes aussi, peu m'importe tant que je les pluine. Allez, venez, mesdemoiselles, je sens que ça devient dur de résister à la tentation d'enlever ma ceinture. S'il y a une petite chose dont vous pouvez être sûr, c'est que mes pensées à votre égard sont vraiment impures. J'aimerais que tout dégale, fasse augmenter la température. Toutes ces demoiselles-là n'ont pas peur de frôler la censure. J'ai de tout à chaque coup, tu fais monter la température. Vas-y, mets-le, fire. Ces femmes sont si fraîches, il faut que je me dépêche de trouver la perle rare et que je m'occupe d'elle ce soir. Allez, venez mesdames, c'est une soirée casting. J'espère que vous êtes occupés, talons rompés. Je dois promettre pas faire difficile, je prendrai la plus facile. Mais il faut qu'elle soit belle et vraiment très sensuelle. Laisse-moi te serrer fort, que l'on fasse du corps à corps. Laisse-moi goûter à ton corps.